dépasser la ligne. Rubancellé, entouré le corps de craie blanche. Vol à l'arraché, sur le clochard. Je faisais la manche, je rentre dans le train. Mon cerveau se dérange. Je saigne une photo de ma femme et mon fils dans mes manches. Je m'intègre dans un monde pourri. L'esprit d'Hitler et de Staline sont dans mes mauvais. Comme ça, elle va réussir et réussir. Je me connais pas, appelle-moi juste le monstre dans le noir. Le démon du placard, je fume quelques cauchemars. Je voyage sur les rails. De coco, de train, ce n'est qu'un détail. Je pars loin de cette putain de gare. Dans cette putain de ville où les vertus s'égarent. Je voyage sur les rails. De coco, de train, ce n'est qu'un détail. Je pars loin de cette putain de gare. Dans cette putain de ville où les vertus s'égarent. J'ai l'habitude de faire circuler ma cam dans le train. C'est le moyen le plus sûr pour passer les flics via les roumains. J'suis le marchand de sable de des artères. La graveineuse, c'est moi qui gère. Cherche le sang, la racaille vulgaire de claquer les violets ta mère. Mon sac de sport rempli d'une poudre que tu kiffes sniffer. J'ai l'air posé, faut pacifier. J'n'ai que mon dieu de pacifier. Là en ligne, dans le train sans billet, j'vois le paysage défilé. Ville figée, pas tournante de la dope et de sans évidé. Tolérance zéro, patrouille de caf, réseau fixé. Les chats essaient de me pister, mais mes parties sont bien ficelées. J'te vends ma drogue à te faire choper des kistés. À te rendre maigre, si l'état plutôt pas profilé, veut c'est de se filer. On tarfe toute notre vie à la chaîne, puis la fumée. Toxique des usines injectées, infumées. T'as humé, donne le cancer quand on arrive à l'âge de la retraite. Mort en secrète, personne te chiale à part les insectes. Je voyage sur les rails. De coco, de train, ce n'est qu'un détail. Je pars loin de cette putain de gare. Dans cette putain de ville où les vertus s'égarent. Je voyage sur les rails. De coco, de train, ce n'est qu'un détail. Je pars loin de cette putain de gare. Dans cette putain de ville où les vertus s'égarent. Je veux pas crever pire qu'un type qui se suicide à cause d'une pétasse. Je vois un uniforme bleu, soit je crasse, soit je me dis que ça rate. Atypique mon blaze, ma vie atypique rame la place. Un doigt de ta fille coupée, t'es bossé, atypique te menace. Trop de merde dans le sac, trop de blanche pour un métis. Mon train arrive sur la voie numéro 666. La sauce l'argogne, n'attends que ma drogue. Je crèche dans un sol de cannabis et de smog. Arrivé à destination, viens avec moi chérie. J'ai braqué le chauffeur du taxi, je t'emmène loin d'ici. Dans une piscine en Vici, j'ai moi fils à le Vici. Viens là où le bicène, où les chars ont peur jusqu'aux Ardennes. Le chat noir, mon âme à Salem, des lyrics plus comme passeur de salam. Fis-moi le saman dans mon harem que je le revends à Saddam Hussein. Je scène là où le béton plane dans le train. Une vieille se fait tabasser par des ados qui suivent ma gamme. Je voyage sur les rails. De coco, de train, ce n'est qu'un détail. Je pars loin de cette putain de gare. Dans cette putain de ville où les vertus s'égarent. Je voyage sur les rails. De coco, de train, ce n'est qu'un détail. Je pars loin de cette putain de gare. Dans cette putain de ville où les vertus s'égarent. Je voyage sur les rails. De coco, de train, ce n'est qu'un détail. Je pars loin de cette putain de gare. Dans cette putain de ville où les vertus s'égarent. Je voyage sur les rails. De coco, de train, ce n'est qu'un détail. Je pars loin de cette putain de gare. Dans cette putain de ville où les